Et donc là, on va s'écouter Aldo l'écolo avec C'est pas de ma faute, mon caca est recyclable et. Qui c'est que là ? Oulala ! Oh ! La master pute. Bon, le mec dehors. Du sable aussi, mon dehors. Si ça te plaît pas, les questions, tu raccroches et tu nous fous la paix. Non, tu as un coup de reste. Je comprends pas, c'est tout. Eh bien, alors, tu ne comprends pas. Eh bien, si tu comprends pas, ben, tu réponds pas à la question. Non, c'est mieux à la campagne. Ouais, bah alors, dégage. J'habite dans la campagne, je récure des trucs et cabines téléphoniques. Ouais, c'est ça. Allez, allez. Maintenant, on est c'est bande de cons. Et arrête de me couper mon micro quand je parle. Ok. Bah, de toute manière, on fait conclusion, c'est tout. Oh non, hein bah, attends, Jésus. Non, non, je veux pas le savoir. Oh attends, tu me calmes, la bande de connards, là, les habituels, là. L'habituel, là, qu'on a. Okay. Allez, suivant, allez, hop. Toi, tu t'écrases, d'accord ? D'accord. Bah, maintenant, comme tu ouvres ta gueule, tu vas répondre. Je devine qui c'est ? C'est Arnett. Eh non, raté. Moi je crois que Gégé, est-ce que tu m'entends, Gégé, s'il te plaît? Gérard? Allô, Gégé, est-ce que tu m'entends, Gégé, s'il te plaît?